Alors, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? C'est un peu ambitieux, je l'avoue. Stéphane rigolait de moi quand je lui ai dit ce que je voulais faire. Mais on va quand même essayer de le faire. J'aimerais aujourd'hui faire une introduction à l'évangile de Jean, voir qu'est-ce que vous avez, vous, découvert. C'est là que je vous poserai des questions. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet évangile? En quoi il est différent de Marc, peut-être? Qu'est-ce qu'il a de pertinent? En quoi ça nous intéresse aujourd'hui de l'étudier? Plein de questions autour de cet évangile. Et ensuite, j'aimerais prendre, je ne sais pas, peut-être 20 minutes, ce qui est presque ridicule, mais 20 minutes, pour essayer de rentrer, de survoler quelques passages ou quelques versets du chapitre 1. C'est tout. Donc c'est un peu ambitieux pour ce matin, on va voir ce qu'on peut faire. Je vais essayer d'avancer le plus vite possible. Alors, évangile de Jean, l'auteur. Pour Marc, vous vous rappelez, Marc avait été formé par Pierre. Marc était le disciple de Pierre. Donc il avait entendu les récits de Jésus de la part de Pierre. Et ensuite, Marc a pris sa plume et il a écrit. Ici, Jean, c'est différent. Qui est Jean? Vous vous rappelez, c'est marqué. Jean, c'était le fils d'un monsieur qui s'appelait Zébédée. On pense aussi que sa femme, donc la mère de Jean, c'était Salomé, qui pourrait être la sœur de Marie. Marie, la maman de Jésus. Donc c'est la famille, peut-être même, de Jésus, Jean. Jean avait un frère qui s'appelait comment? Jacques. Vous vous rappelez, il y a un tandem fréquemment dans les évangiles, Jacques et Jean. C'était des gens impétueux, au point où Jésus les a appelés les fils du tonnerre. Imaginez ça, qu'on m'appelle moi le fils du tonnerre. Ça veut dire sûrement que je pète la forme, peut-être plus que pète la forme. Je rentre dans les gens à tout bout de champ. Et effectivement, c'est le cas. On le sent à plusieurs reprises dans les évangiles que Jacques et Jean, ils en voulaient. Hein. À un moment, il y avait quelqu'un qui n'avait pas voulu les accepter dans une ville. Ils ont dit, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on prie pour que la foudre du ciel les tue? Ça, c'était Jacques et Jean. Donc des gens impétueux. Et ça, il faut le dire peut-être au début parce qu'on a l'impression parfois que Jean, c'était un petit peu le tout doux. Le bien-aimé du Seigneur, celui qui est toujours sous son sein. Non, pas du tout. Hein. Jean, c'était celui qui en voulait avec son frère Jacques. Un homme de caractère, un tempérament fort. C'était Jacques et Jean. Mais c'était aussi celui qu'on a appelé le disciple que Jésus aimait. C'était comme ça, en tout cas, qu'il s'appelait dans son évangile. Un des 12 disciples. Donc quelqu'un qui a vu par lui-même. C'est différent de Marc. Marc n'avait pas vu par lui-même, en tout cas pas tout. Là, il a vu par lui-même, et alors, vers la fin de sa vie, probablement alors qu'il est à Éphèse, il prend sa plume et il écrit. Petite remarque supplémentaire, lui, donc Jean, Jacques et Pierre, formaient souvent un trio des mousquetaires, un peu le camp rapproché de Jésus. En tout cas, c'est un témoin oculaire, c'est important, un témoin oculaire, des faits qui ont entouré la vie de Jésus. Il a lui-même vu, et il le dit, et entendu les paroles et les actions de Jésus. Alors, tout de suite, quand vous lisez Jean, et je suppose que vous, c'est pareil que pour moi, on se rend compte immédiatement que Jean est très différent des autres évangiles. Très différent. Et on va rapidement jeter un coup d'œil sur ces différences parce que c'est assez époustouflant, assez même déstabilisant parfois. Regardez ça. Quand vous lisez Marc, dans les textes de Marc, seulement 8% de ce que vous lisez est unique. Ça veut dire qu'il ne se retrouve pas dans les autres évangiles. Ça veut dire que le gros 90% de Marc, vous le retrouvez dans les autres évangiles. Intéressant, hein? Dans Matthieu, il y a 42% d'unique à Matthieu. Ça veut dire 42% de textes, d'événements, de paraboles, de miracles que l'on trouve dans Matthieu et nulle part ailleurs. D'accord? Luc, 59%. Et regardez-moi ça. Jean, 92% du texte de Jean ne se retrouve ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc. Alors, on parle souvent de Matthieu, Marc, Luc comme étant les évangiles synoptiques. Hein, c'est un grand mot, mais c'est important parce que ça revient dans la littérature. Il présente la vie d'une manière parallèle. Les trois récits se ressemblent, Matthieu, Marc et Luc. Jean, lui, a été écrit beaucoup plus tard. On pense que Jean a été écrit vers 85-90 après Jésus-Christ. Donc, il a été écrit après, bien après, les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Alors, je vous donne quelques événements, quelques passages pour comparer, enfin pour confirmer ce que je vous dis là. Dans Matthieu, Marc et Luc, il y a des événements qui ne sont pas dans Jean. Comme par exemple, donc des événements qu'on retrouve dans les trois, dans Matthieu, dans Luc, dans Marc et dans Luc, et pas dans Jean, le baptême de Jésus. Il n'est pas dans Jean. La tentation de Jésus, elle n'est pas dans Jean. La mort de Jean-Baptiste, pareil. La transfiguration, le jeune homme riche, Jésus qui chasse les vendeurs du temple, beaucoup de paraboles et de miracles ne sont pas dans Jean. Par contre, à l'inverse, il y a énormément de passages qui sont dans Jean et qui ne sont pas dans l'un des trois autres, comme par exemple le mariage à Cana, avec le miracle du vin, de l'eau transformée en vin. La discussion, la longue discussion avec Nicodème, elle n'est pas dans les autres évangiles. La discussion avec cette dame de Samarie, près du puits, pareil. La guérison d'un aveugle de naissance. Le discours de Jésus sur le bon berger, je suis le bon berger, c'est nulle part ailleurs. La résurrection de Lazare, ça c'est fou. Honnêtement, c'est fou. Les disciples ont vu la résurrection de Lazare et Jean est le seul à en parler. La conversation avec Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Vous vous rappelez? Trois fois. Pierre, m'aimes-tu? Plus que les autres. Uniquement dans Jean. Quelques autres particularités à Jean. Il n'y a pas de parabole dans Jean. Vous avez vu ça? Pas de parabole dans Jean. Drôle. Et dans Jean, il y a seulement 7 miracles. Donc Jésus a fait plein de miracles, on le sait. Mais Jean rapporte 7 miracles. Et dans ces 7 miracles, 5 de ces miracles sont uniques à Jean. Surprenant, hein? 5 de ces 7 miracles ne se retrouvent ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc. Il est très différent, Jean. Alors, ces miracles sont appelés des signes dans l'évangile de Jean. Il y a donc ces 7 signes. Vous les voyez ici, je vous ai mis. Donc, les 7 miracles que Jean a choisi de donner dans son évangile, c'est le mariage à Cana, l'eau changée en vin, la guérison du fils de l'officier, la guérison d'un paralytique ou d'un paralysé près d'une piscine, si vous vous rappelez, la multiplication des pains pour nourrir 5000 hommes, Jésus qui marche sur l'eau, Jésus qui guérit un aveugle né et la résurrection de Lazare. Voilà les 7 signes que l'on retrouve dans Jean. Alors maintenant, si vous me posez la question, je ne pourrais pas vous répondre, en tout cas pas pour l'instant. Pourquoi est-ce que Matthieu, Marc et Luc ne parlent pas de l'eau transformée en vin? C'est quand même un événement, ça. Pourquoi Matthieu, Marc, Luc ne parlent pas de Lazare qui revient à la vie? C'est quand même extraordinaire. Alors, une autre particularité, les discours de Jésus. Évidemment, dans chaque évangile, il y a des discours de Jésus. Et là, dans Jean, il y a des discours de Jésus, des enseignements. Et alors, là, dans Jean, il y a des enseignements spécifiques ou particuliers que Jean rapporte, qui ne sont pas ailleurs. Il y a de très longs discours dans Jean. Pour ceux qui ont lu Jean récemment, il y a de très longs discours. Alors, ce qu'on peut noter aussi, qu'il y a souvent dans Jean, je le dis rapidement en passant, une relation directe entre le discours que Jean rapporte et des événements. Je vous donne un exemple. Multiplication des pains, un des fameux 7 signes, suivi de l'enseignement de Jésus, je suis le pain de vie. Alors, il faut relier, quand vous lisez Jean, relier les discours aux événements. Jean a délibérément placé côte à côte des discours et des événements de la vie de Jésus. Ce qui est aussi particulier à Jean, c'est une emphase sur des rencontres d'individus avec Jésus. Ça, c'est surprenant. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est vraiment particulier à Jean. Il y a 27 rencontres dans Jean. 27 rencontres, comme des interviews. Comme si Jean venait et disait, ok, vas-y, Nicodème, Jésus. Dites-moi ce que vous pensez d'eux. Et hop, il y a un interview. Il y a un aller-retour entre Nicodème et Jésus, et Jean prend note et le marque. Il y a un interview entre Jésus et la femme de Samarie, près du puits. Il y a un interview entre Jésus et Nathanaël. Alors des fois, c'est très court, ça dure deux phrases. Des fois, c'est un chapitre entier. Donc, Jean a pris du temps pour rapporter, je vous donne quelques-uns, les deux disciples, par exemple, de Jean-Baptiste, c'était Jean et André, ont un interview avec Jésus. Nathanaël parle avec Jésus. Marie, la maman de Jésus, parle avec... Il y a un échange. Et hop, Jean le rapporte. Nicodème, la femme de Samarie, j'avais dit, l'officier du roi parle avec Jésus. Philippe, pour la multiplication des pains. Donc, il y en a 27 comme ça. Donc, quand vous relisez Jean, entre maintenant et le mois de juillet, prenez un petit crayon, et... Ah, interview. Des longs et des courts. D'accord ? Je vous ai envoyé un mail cette semaine, et je vous ai dit, essayez de trouver 7 différents trucs, hein, vous vous rappelez, pour ceux qui ont reçu le mail. Le lendemain, j'ai reçu un retour de mail de Roger Sachs, vous vous rappelez de lui, hein, Roger Rosemary. Et Roger me dit, Philippe, n'oublie pas les 7 témoins. Ah ouais, 7 témoins. Vous avez remarqué les 7 témoins dans Jean ? Dans le grec, témoin, c'est le mot martyréo. Martyr, c'est intéressant, hein. Témoigner de sa foi, c'est être martyr. Martyréo. Ça veut dire rendre témoignage, être témoin, dire expressément, déclarer. Ça, c'est le témoin dans la Bible. 30 fois dans Jean, le terme témoin ou témoignage apparaît. 30 fois, vous vous rendez compte? Pour 21 chapitres. Dans tout le Nouveau Testament, le mot témoin ou témoignage apparaît 79, en tout et pour tout, dont 30 dans Jean. Il veut dire quelque chose. En fait, cet évangile, vous allez vite le comprendre, et quand vous le relisez, prenez cette perspective, cette façon de voir les choses. Cet évangile est une série de témoignages. C'est un long témoignage. L'avant-dernier verset de Jean dit la chose suivante, c'est ce disciple, donc Jean, c'est Jean qui parle, qui écrit, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Et alors, Roger faisait appel à ces 7 grands témoins, on pourrait dire, dans l'évangile de Jean, 7 personnes qui, en quelque sorte, passent à la barre pour témoigner de ce qu'ils ont vu et entendu au sujet de Jésus. Est-ce que leurs témoignages vont concorder? Qu'avait-il à dire au sujet de Jésus? On va regarder ça un peu plus près dans quelques minutes. Et puis, dans l'email que je vous ai envoyé, je vous avais dit aussi qu'il y avait 7 « je suis ». C'est typique, c'est particulier à Jean. Et on va les retrouver pour ceux qui vont prêcher dans les semaines et les mois qui viennent. Mais je vous les donne rapidement. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le cep. C'est Jésus. C'est typique à Jean. Et puis autour de ces je suis, vous pouvez deviner, vous l'avez sûrement souligné comme moi dans votre Bible, il y a ces versets clés dans Jean. Qui sont nulle part ailleurs. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Imaginez qu'est-ce que ça veut dire. On va revenir là-dessus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Ces versets qu'on apprend souvent à l'école du dimanche, tout petit. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra très fort. Et puis, il y a des symboles dans Jean qu'on retrouve à travers tout l'évangile de Jean. Des termes, des expressions. Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez souligné, est-ce que vous avez entouré, vous, dans votre lecture, je ne sais pas si l'un ou l'autre va dire, moi, j'ai souligné ça. Quelqu'un pourrait me dire rapidement? Est-ce qu'il y a des termes, des expressions, des mots spéciaux que l'on retrouve et qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent? Qui pourrait m'en donner? Le Père, oui, ça revient. Envoyé et le Père, oui, les deux. Encore. La vérité, oui, la vérité revient à pas mal de reprises. La vérité, en fait, 45 fois le terme vérité est utilisé. Je vous mets la diapo ici. Regardez, juste quelques-uns. Hein. Bien sûr, croire, évidemment, la foi, 100 fois. 100 fois, on retrouve le mot, les verbes croire ou le terme la foi. 102 fois, le mot savoir, connaître. 42 fois, demeurer. Si vous demeurez dans le Père, voilà. La vie est un thème qui revient dans Jean. La vérité, comme disait Nicolas, 45 fois. Témoin, témoignage, 30 fois. Le Fils, 60 fois. Le Père, 110 fois. Imaginez, avec 21 chapitres. Il répète des choses très importantes. Envoyé du Père, 55 fois. Alors, je continue. Ce qui est vraiment différent, enfin, moi j'ai trouvé très différent dans Jean, c'est son entrée en matière. Je suppose que ça vous a aussi interloqué. Hein. Quand vous lisez Jean pour la première fois, vous dites, attends, il y a un problème. Parce que quand on pense à évangile, on ne pense pas à une entrée en matière comme celle-ci. C'est un récit, donc écrit par Jean, qui commence par « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. » À quoi ça ressemble, ça? Un traité de philosophie? C'est pas un évangile, ça, hein? On dirait de la philo. Et alors, on va revenir longuement tout à l'heure sur cette introduction, mais je la trouve très, très différente. Elle est très différente des autres évangiles. On pourrait dire, peut-être faire une petite parenthèse ici, historiquement parlant, Jean a pris une certaine distance vis-à-vis des événements dont il va parler. Il écrit environ 60 années après que les choses se soient passées. Entre-temps, vous vous rappelez sûrement, le temple d'Hérode, le magnifique temple d'Hérode, a été rasé. En 70 après Jésus-Christ, par l'empereur romain Titus. D'ailleurs, petit détail, c'est le seul des quatre évangiles qui ne mentionne pas les Sadducéens. Pourquoi ? Les Sadducéens étaient liés au temple. Plus de temple, plus la peine d'en parler, ils n'existent plus ces gens-là, on ne les connaît plus. D'accord ? C'est un petit exemple qui nous confirme, ça a été écrit en 90, sûrement 85-90 après Jésus-Christ. Alors, donc il a pris la distance et je crois que c'est pour ça qu'il analyse différemment les choses qui se sont passées. On va revenir sur l'introduction évidemment en longueur. Alors, je rappelle rapidement la différence de Jean. Il y a 7 « je suis » dans Jean, il y a 7 signes choisis par Jean ou 7 miracles, il y a 7 témoins ou grands témoins, il y a des symboles dans Jean, la lumière, les ténèbres, l'opposition lumière-ténèbres, l'eau, le pain, le berger, la vigne. Il y a des discours très spéciaux, comme le discours de la chambre haute avec les disciples, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Il y a des fêtes qui donnent un rythme au récit. Alors, comment lire cet évangile? Quand vous le lisez ou le relisez, je vous encourage à le lire différemment que vous lirez Marc. Marc, il faut le lire d'un coup. On lit les 16 chapitres de Marc d'un seul coup. Pourquoi? Parce que c'est un livre d'action. Vous rappelez, aussitôt. C'est Marc. Jean, c'est un texte à méditer. Vous lisez, vous arrêtez. Vous lisez, vous arrêtez. Au commencement était la parole. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et la parole était avec Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et la parole était Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est un texte à méditer. C'est pas du tout le même évangile. Alors, tout ça pour dire quoi? Évidemment, vous le sentez. Jean a choisi délibérément des actions de la vie de Jésus, des discours de Jésus, des miracles, des mots, pour construire quelque chose. Ça, c'est clair. Quel était son objectif? Vous avez lu, pour ceux qui ont lu Jean, quel était l'objectif de Jean en écrivant ce texte? C'est très clair. Vous ne pouvez pas vous tromper, parce qu'il le dit lui-même. And more, yes, to in order to have eternal life. Yes, but there's one word is missing there. Donc, Kevin a répondu. Il était le témoin. Il a voulu donner un témoignage que Jésus était le Fils de Dieu, afin que nous puissions croire. Hein? C'est l'objectif qu'il s'est donné. Il a choisi 7 signes, 7 miracles, autour desquels s'articule son récit. 92% de la matière est unique à Jean. Il avait en tête un but bien précis. Ce n'est pas, évidemment pas, une chronologie historique de la vie de Jésus, c'est clair. Au cœur de l'évangile de Jean, il y a une question. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? 86 fois dans Jean, on trouve le mot croire. Pistéo. Croire, mettre sa confiance en ou foi. 86 fois. Quelques exemples. Jésus parle à Marthe et dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui place sa confiance en moi vivra. » Question. Crois-tu cela? Marthe. Jésus au paralytique, guéri. Crois-tu au Fils de Dieu? Jean 5, 24. « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. » Jean 6, 35. Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. » Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et ça, 86 fois dans Jean, on retrouve. Je ne sais pas combien j'en ai mis ici. Alors, je saute plusieurs, évidemment. Jean précise l'objectif de son évangile clairement dans Jean 20, 30 et 31. Et vous pouvez le lire ici. Jean a fait encore. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, évidemment, mais ces choses, j'en dis, ce que j'ai écrit, ces choses que j'ai écrites, ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà l'objectif recherché. Je vous ai présenté les évidences afin que vous dites « Waouh ! Mais c'est vrai !» Je crois. Et quand tu crois, tu as la vie en son nom. Jean présente des preuves. C'est son travail. Il présente des preuves. Et au lecteur ensuite de décider s'il va accepter ses preuves et croire ou s'il va rejeter ses preuves et ne pas croire. Alors Jean choisit sa matière, comme je l'ai dit, comme s'il écrivait un livre d'apologétique. J'aime bien ce terme, hein, c'est la défense de la foi. C'est un livre d'apologétique, Jean. Il place ses lecteurs devant des faits. Et ces faits devraient les amener à une foi en Jésus. Il y a un verset qui est très fort là-dessus, c'est Jean 19, 33, 34, 35. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, donc Jésus sur la croix, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et Jean, vous voyez Jean, le reporter là, en train de filmer et de rapporter. Et Jean dit, voilà, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Ils lui percèrent le côté avec une lance et aussitôt, dit Jean, sortit du sang et de l'eau de son côté. Et après il dit, celui qui l'a vu, moi, Jean, celui qui l'a vu et a entendu, et a rendu témoignage. J'en ai parlé. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Vous voyez, toujours ça. Voilà les faits. J'ai vu ça, il a fait ça, ils ont fait ça. Et je vous le dis, et c'est vrai. Et je vous le dis pour que vous croyiez en Jésus. Croire quoi? Un accord intellectuel? Le fait historique? Non. Croire que Jésus, Fils de Dieu, envoyé par Dieu, égal, on va le voir tout à l'heure, égal de Dieu, agneau de Dieu, sauveur, solution de Dieu pour les hommes, pour le péché de l'homme, recréateur, on va le voir aussi tout à l'heure, parole créative, voilà, croire cela de Jésus. Mais tout le monde ne croit pas Jésus, et vous le verrez dans Jean, tout le monde ne croit pas, Jean 12, 37 dit, « Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » Le conflit, croire, pas croire, croire, pas croire. Donc tout au long de ce récit de Jean, Quand vous relisez, regardez cette façon de voir les choses aussi, il y a constamment cette opposition entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, ceux qui acceptent, ceux qui rejettent. Au centre du récit de Jean, il y a la foi et l'incrédulité. Et ce conflit entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas va aller en crescendo jusqu'à la fin du chapitre 12. Rapidement, je passe au texte du chapitre 1. Un plan, peut-être, pour Jean. Là, je donne ça pour que ceux qui vont suivre voient un petit peu où on pourrait aller. Très simplement, il y a évidemment une introduction que beaucoup de vos Bibles appellent le prologue. Et c'est le chapitre 1, principalement. Bon, jusqu'au verset 18, mais bon, c'est grosso modo le chapitre 1. Ensuite, il y a le chapitre 2 jusqu'au chapitre 12. Et là, on pourrait dire que ces 11 chapitres sont articulés autour des 7 signes ou des 7 miracles, avec un conflit croissant, comme je viens de le dire, avec les autorités religieuses du temps de Jésus. Ensuite, 13 à 20, et en particulier 13 à 17, donc 13, 14, 15, 16, 17, c'est les discours où Jésus se retrouve avec ses disciples. Ensuite, 18, 19, 20, c'est la crucifixion, les derniers moments de Jésus, sa résurrection. Et puis le 21, c'est la conclusion. Donc ça, c'est simple au niveau de la structure. Simplement, vous voyez que c'est articulé autour de ces 7 signes dans Jean. Alors, on passe au texte. Ça avance bien. Alors voilà l'introduction, le prologue de Jean pour son évangile. Je le relis. Il est extraordinaire, ce texte. Il est profond. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alors Matthieu et Luc commencent le récit par quoi ? Par Marie, par les tables, la mangeoire, les anges qui viennent annoncer aux bergers dans les champs, un peu tout ce qu'on connaît autour de la naissance de Jésus. À Noël, on met dans la vitrine une petite mangeoire, et puis un petit âne, et puis un bœuf, et puis voilà. Ça, c'est le début, entre guillemets, normal d'un évangile, de la vie de Jésus. Pas pour Jean. Alors, on est loin, là. Le début de Jean est beaucoup plus philosophique. Au commencement était la parole. Alors, pour ceux qui ont lu Jean plusieurs fois, je suis sûr que vous avez lu et vous avez dit, « Ah, ça ressemble à Genèse, évidemment. » Il y a un parallèle direct que Jean a voulu faire entre ces paroles du verset 1 à 5 et les premiers textes de la Genèse. Au commencement, Genèse 1:1, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres, un mot qui revient dans Jean plusieurs fois, à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit la parole. Dieu, au commencement, était la parole. Genèse dit, Dieu dit que la lumière soit, un autre terme utilisé par Jean constamment, la lumière, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Avec une telle introduction, Jean donne à son évangile, on pourrait dire, une ampleur universelle. Il dépasse les limites des Juifs de Palestine, il touche le monde entier. Au commencement était, littéralement, le verbe, la parole. En grec, le logos. Le logos. C'est ça qu'il dit. En arché en o logos. La parole était là au commencement. 50 années sont passées, comme tout à l'heure je l'ai dit, entre la mort de Jésus et ce moment où notre homme va commencer à écrire. C'est un Rembrandt qui a dessiné Jean. Ça pourrait être un peu comme ça, que Jean était à 80, 90 ans. Imaginez ce vieil homme qui se décide à cet âge d'écrire. Plusieurs ont déjà mis par écrit les gestes et les paroles de Jésus. Matthieu, Marc, Luc. Et Jean, assurément, connaît ces textes. Ce n'est pas par hasard qu'il a choisi d'autres textes qui n'existaient pas dans ces trois évangiles. Il a vu le peuple juif profondément déstabilisé par le temple qui était détruit en 70. Et Jean décide d'écrire de manière différente. Il donne à ce récit une perspective qui dépasse largement les frontières de la Palestine. Au commencement, dit-il, était le Logos, la parole de Dieu. Alors pour les Grecs, il écrit à Éphèse, pour les Grecs, le Logos était le principe rationnel qui dirigeait le monde et rendait la vie cohérente, pour les Grecs. Pour les Juifs, le Logos était la parole de Dieu, expression de la sagesse et de la puissance créatrice de Dieu. Ici, Jean affirme que le Logos, la parole de Dieu, est à l'origine de tout. Il révèle Dieu. Mieux que ça, la parole de Dieu est elle-même Dieu. Au travers de tout son évangile, Jean présente les actions de Jésus comme étant les actions mêmes de Dieu. Jean 5, 18 dit: les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. C'est très fort, hein? Ils voulaient le tuer parce qu'ils avaient compris quelque chose, les Juifs. Jésus se faisait lui-même égal à Dieu. Moi et le Père, même niveau, nous sommes un, nous sommes même essence. Ça n'a pas plu aux Juifs. Alors, dans le texte ici du début de Jean, Jean ne cite pas le nom de Jésus tout de suite, mais on sait de qui il parle, très vite. On ne s'y trompe pas. Au verset 14, on va le voir tout à l'heure, il dit que la parole est venue vivre. Il parle de la parole, le logos. Hein. La parole est venue vivre parmi sa créature. Et puis, le nom de Jésus est prononcé au verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est la première fois qu'il parle de Jésus-Christ. Mais bien avant, tous ses lecteurs ont compris de qui il parle, ça c'est clair. Alors voilà comment Jean présente son évangile. Au commencement de toute chose, à l'origine de tout ce qui existe, un seul mot, logos, parole, parole de Dieu. Rien de ce qui existe existe indépendamment de l'action de la parole de Dieu. Au commencement, dit la Genèse, Dieu créa les cieux et la terre. Et Jean rebondit et dit, au commencement, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui, sans la parole. Plus précisément, au commencement, il y a la parole de Dieu qui est elle-même Dieu. C'est fou ça. Cette parole de Dieu est à l'origine de la vie, de toute vie, et elle est la lumière, un terme qui va revenir, la lumière des hommes. En deux phrases ici, Jean introduit toute sa thématique au cœur de l'évangile de Jean. Jésus, parole de Dieu, fils de Dieu, égal de Dieu, source de vie, lumière des hommes, venu briller dans les ténèbres. Tout ça, en quelques mots, quelques phrases, dans son prologue, il présente son évangile. Dans la Genèse, vous connaissez un peu les textes de la Genèse, au commencement de toute chose, Dieu, par sa parole, Jésus, a tout appelé à l'existence. Les cieux, la terre, les océans, les rivières, les arbres, les fleurs, les oiseaux, les poissons et les êtres humains. Jésus est la seule et unique source de l'existence du monde. Ce qui était obscur est brusquement devenu lumière. Ça, c'est Genèse. dans Jean, récemment, plus récemment dans notre histoire, par sa parole, Jésus a tout appelé à une renaissance. Un redémarrage. À une nouvelle existence. Et vous le verrez, hein, dans Jean, c'est comme ça qu'il voit les choses. Un redémarrage. Le pardon, la guérison. La joie, l'amour, la grâce, la résurrection. Tout ce qui était abîmé, malade, détruit, sali par le péché. Jésus est la seule et unique source de renaissance pour le monde. Ce qui était obscur peut redevenir lumière. Un thème fort pour Jean. Donc, Jean a choisi des personnages dans la vie de Jésus, des actions, et en particulier sept signes, pour démontrer sa puissance, cette puissance, on pourrait dire, recréationnelle de Jésus, la parole de Dieu. En fait, si on reprend les miracles, les fameux sept signes, eau changée en vin, à chaque fois, à l'origine de ces miracles, il y a le logos, la parole de Dieu, la parole de Jésus, c'est pareil. Vous vous rappelez ? Remplissez ces jarres d'eau, épuisez, pouf, du vin. Parole de Jésus. La guérison du fils, deuxième signe. Va, ton fils vit. Pouf, il est guéri. On dirait vraiment de la magie, le pouf, quand je dis le pouf. Guérison du paralytique, qu'est-ce qu'il dit ? Lève-toi, prends ton lit, marche. Pouf, il marche. La parole recréatrice, régénératrice de Jésus. Jésus rend grâce sur le pain. Il distribue. 10 000 personnes sont nourries. Jésus dit, c'est moi, n'ayez pas peur aux disciples sur la mer. Pouf, le calme, la paix, la sérénité s'installe. Le sixième signe, Jésus qui guérit un aveugle né, il lui dit quoi ? Va, lave-toi au réservoir. Pouf. Et il voit. Et puis, le plus grand pouf de tous les poufs. Lazare, sort ! Oh ! Un mort qui puait de 3 jours mort. Et il sort. La puissance recréatrice de Jésus. Fantastique. Le parallèle avec Genèse est constant dans ce démarrage. Que la lumière soit, imaginez, Dieu qui crie, que la lumière soit, pouf, la lumière est. C'est aussi simple que ça pour Dieu. Créer ou recréer, il n'y a pas de problème. Cette introduction de Jean est magistrale, dans le sens qu'elle remet les choses à leur place. Elle remet l'homme à sa place d'homme, et elle remet Dieu à sa place de Dieu. Dieu est à l'origine de tout, pas l'homme. Ce n'est pas le hasard qui a créé le monde, c'est Dieu. Dans Jean, on parle beaucoup de la lumière apportée aux hommes, de la vie, de la nouvelle vie, de la nouvelle naissance. On le verra dans Jean 3, la nouvelle naissance. À l'origine de la nouvelle création, il y a Dieu. Si un jour tu as dit oui à Dieu, à Jésus, c'est parce que tu as entendu le logos, la voix de Jésus. Un jour, j'ai entendu Dieu qui a dit « Philippe, sors !» Et je suis sorti, et j'étais vivant. « Va, ton fils vit. Lève-toi, prends ton lit et marche. Va à la piscine. » Les ordres, la parole, la puissance de la parole de Jésus pour apporter la vie, la guérison, la renaissance. Et Jean ajoute, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Il continue son parallèle. Si vous regardez dans Genèse, on retrouve dans Genèse les termes de ténèbres, de lumière, de vie, des animaux vivants. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Tout ça, Jean a pris tout ça et il a fait un parallèle. Et pour installer, en quelques phrases, la thématique de tout son livre. La vie, lumière, contraste avec les ténèbres, combat entre lumière et ténèbres. Je suis, dit Jésus, la résurrection et la vie. Je suis la lumière du monde. Tout ça, c'est Jean. Jean nous dit que Dieu, dans la Genèse, donne la vie à sa créature. Dieu nous dit, dans Jean, qu'il y a une option de nouvelle vie, de nouvelle naissance. Tout à l'heure, je vous ai dit que il y avait dans Jean, comme Roger nous a rappelé, 7 super témoins. Verset 6, « Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. » Voici notre premier super témoin. « Il vint pour être témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient en lui. » Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être un témoin de la lumière. Je trouve ça très beau comme expression. Sa mission était d'être un témoin de la lumière. Alors rapidement, le temps passe, et rapidement, je vous donne les 7 super témoins dont Roger nous parlait. Donc imaginez Jean qui vient interviewer des gens, qui les fait passer à la barre. Il dit, viens, dis-moi ce que tu sais de Jésus. Qui est Jésus ? Jean le baptiseur, premier témoin, 1,34. Et j'ai vu, dit Jean le baptiseur, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Nathanaël, 1,49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Un autre témoignage. Pierre, 6,68-69. Simon Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Marthe et Marie, devant le tombeau où Lazare était mort, Marthe dit, 11,27, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et toi Thomas, c'est Thomas, hein? Toi Thomas, c'est quoi ton verdict par rapport à Jésus ? 20,28, Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu ! On ne peut pas s'y tromper. Hein? Et toi Jean, celui qui écrit, qu'est-ce que tu dis de Jésus ? 20,31, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et puis le dernier témoin, le plus grand des témoins, à cause de son témoignage, il a perdu sa vie. Il a été crucifié parce qu'il a témoigné sur ce qu'il était. Jésus. La femme samaritaine, la femme lui dit, 4, 25, 26, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi, qui te parle. » Et encore ailleurs, Jésus dit, chapitre 10, 30, 33, « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle d'entre elles me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. » Ils avaient compris, les Juifs. Hein. « Pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Tu te dis Dieu. » Les gens de temps de Jésus avaient bien compris quelles étaient les prérogatives de Jésus. Il avait annoncé haut et fort toute sa vie, « Je suis Dieu, égal à Dieu. C'est moi, le Fils de Dieu. » Et la mission de Jean, le baptiseur, était quoi ? D'être témoin de qui était Jésus, afin que nous croyions. Le verbe « croire », comme je vous l'ai dit, il arrive à bien des croisements de chemin dans Jean. Croire, ce n'est pas juste acquiescer intellectuellement. Croire, pistéo, ça veut dire mettre sa confiance en, embrasser. Je sais que c'est vrai, je suis persuadé que c'est vrai. J'embrasse. 86 fois, ce terme est utilisé. Êtes-vous, pour ceux qui vous entourent, des gens, le baptiseur, des témoins de la lumière. Vivez-vous chaque instant de votre courte vie sur la terre avec un objectif précis en tête, une mission clairement définie. Je suis témoin de la lumière afin que les gens croient en lui. Verset 9. Celle-ci était la véritable lumière. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas suivre comme ça jusqu'au bout du chapitre 1. Après, je vais sauter, je vais aller très rapidement. Mais les premiers 12, 14 versets sont époustouflants. Donc, je m'arrête un peu plus longuement. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Le conflit entre ceux qui croient et qui ne croient pas, entre ceux qui accueillent Jésus, qui le reçoivent, l'acceptent, et ceux qui le rejettent, comme je l'ai dit, va être croissant entre ici et la fin du chapitre 12. C'est en permanence. Et alors, il y a plusieurs versets, pour ceux qui prennent des notes, il y a 3:36, 5:38, 6:36, 12:36. Vous pouvez le lire, quand vous relisez votre texte, on ne va pas le lire, plusieurs versets pointent le doigt sur cette confrontation permanente autour de Jésus. Le monde ne peut pas reconnaître la vérité par eux-mêmes. Ils aiment l'obscurité plus que la lumière. Et ils ne veulent pas venir à la lumière. Comme Jean dit, plein de miracles ont été faits du temps de Jésus, mais ce n'est pas pour autant que ceux qui ont vu ces miracles ont dit « Ah, c'est évident, voici Dieu parmi nous. » Verset 12 dit « Certains, pourtant, l'ont accueilli. Et ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Certains, pourtant, ont été touchés par la grâce de Dieu. Et ils ont cru en son Fils. Croire en son Fils leur a donné la puissance. Le terme ici, dans le Semeur, c'est privilège, mais dans d'autres traductions, c'est la puissance, le pouvoir, le droit de devenir, et là, je ne comprends pas comment c'est possible, mais c'est ce que dit Jean, enfant de Dieu. Et là, Jean précise, verset 13, ce n'est pas par une naissance naturelle, comme vous et moi, hein, de vos mères, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme, qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Alors là, je suis sûr que ce verset vous rappelle un verset qui va venir dans deux dimanches. Jean 3:3, Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît d'en haut, c'est le même mot, ou de nouveau, c'est pareil, si un homme ne naît d'en haut ou de Dieu, il ne peut voir le royaume de Dieu. Devenir enfant de Dieu, ce n'est pas le produit d'efforts humains. Nous n'héritons pas de ce poste prestigieux, si je pourrais dire, de nos parents. Ce n'est pas parce que je suis blanc ou noir que je deviens automatiquement enfant de Dieu. Il faut naître d'en haut, naître de Dieu. Puis vient un verset, le verset 14, que j'aimerais introduire avec une petite vidéo de 3 minutes et demie. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'aimerais vous la donner. Pour information, vous pouvez la retrouver sur le site crazylove.fr. Elle s'appelle « Émerveillé par Dieu ». Tout d'abord, ce que vous voyez ici, c'est la Terre. Nous allons quitter la Terre à partir du sud de la Californie et nous allons nous élever, nous éloigner de plus en plus. On s'éloigne un peu plus. Et nous voici maintenant à environ 10 km, comme si vous étiez au sommet du mont Everest. Voici ce que vous verriez. cette distance, on aperçoit la courbure de la Terre. Nous allons continuer à nous éloigner. Nous sommes maintenant à 100 km. Vous avez parcouru 25% du chemin vers la station spatiale. Si vous vous trouvez un jour à cette hauteur, c'est que vous êtes astronaute. Bon, maintenant, on s'éloigne de 100 000 km. À 100 000 km, nous avons parcouru un quart du voyage qui nous mène à la Lune. Voilà à quoi ressemble la Terre à cette distance. Passons maintenant à 1 million de kilomètres. 1 million de kilomètres, voici la Lune. On peut à peine voir la Terre. Vous êtes donc passé à 1 million de kilomètres, nous avons passé la Lune, et nous allons maintenant nous rendre à 100 millions de kilomètres. À 100 millions de kilomètres, on n'a pas encore atteint le Soleil, qui se trouve à environ 150 millions de kilomètres de la Terre. Mais passons maintenant à 10 billions de kilomètres. Ah, voici le Soleil. Nous venons juste de le dépasser. À une distance de 10 billions de kilomètres, on peut voir les planètes de notre système solaire. Nous arrivons maintenant à une distance de 10 puissance 15 kilomètres. C'est un 10 avec 15 zéros. Je ne sais pas comment on appelle ce type de chiffre. De cette distance, le Soleil est un point lumineux parmi d'autres étoiles. Éloignons-nous maintenant de 10 années-lumière. 10 années-lumière. D'ici, on voit le Soleil et 11 autres étoiles qui lui ressemblent. Apparemment, toutes voisines. Désolé. Ça, c'est notre Soleil. On s'éloigne maintenant de 1000 années-lumière. À cette distance, on ne voit plus notre Soleil. Il y a seulement un groupe d'étoiles proche du Soleil dans cet amas d'étoiles au sein de la Voie lactée. Éloignons-nous encore un peu. Voici la Voie lactée où nous vivons. Vous voyez cet amas d'étoiles? Il contient environ 100 000 étoiles les plus rapprochées de notre Soleil. Nous ne voyons plus le Soleil à cette distance. Et encore moins la Terre. La Voie lactée, c'est là que nous vivons. Nous sommes enfouis quelque part là-dedans. Et nous allons aller encore plus loin. Et vous allez voir que notre galaxie est en fait, c'est une grande galaxie. Et toutes ces autres choses que vous voyez sont aussi des galaxies. Nous nous éloignons cette fois à 10 millions d'années-lumière. Vous ne voyez ici que des galaxies. Notre Voie lactée se trouve parmi ces galaxies. Des centaines de galaxies. Maintenant, nous nous éloignons à une distance de 100 millions d'années-lumière. C'est notre dernière étape. Nous allons nous éloigner à une distance de 100 millions d'années-lumière. Ce sont tous des amas de galaxies. Des galaxies et des amas de galaxies. On ne verrait même plus la Voie lactée ici. Nos télescopes ne nous permettent pas d'aller au-delà de ce point. Gardez ce que vous avez vu là en tête. Je sais que la qualité n'était pas très bonne, hein, beaucoup trop de lumière ici. Et lisez le verset 14. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. C'est bien l'événement le plus extraordinaire, le plus merveilleux dans l'histoire de l'humanité, le Dieu de l'univers. Éternel, omnipotent, omniprésent, celui qui par sa parole a créé les galaxies, les étoiles, les amas de galaxies, celui pour qui 100 millions d'années-lumière, c'est rien. Celui-là prend la forme humaine et vient habiter parmi ces hommes sur cette petite boule de rien du tout qu'on appelle la Terre. Je ne peux pas comprendre ça. Personne ne peut comprendre ça. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Pour les Juifs et pour les Grecs, du temps de Jean, c'était impensable. Dieu a endossé notre condition humaine et il a vécu parmi les hommes. Et là, je m'arrête sur un terme. Il a vécu parmi les hommes. Dans le texte original, c'est skeno, qui veut dire habiter, ou plutôt dresser sa tente. Le terme veut dire avoir son tabernacle. Les Grecs vont tout de suite comprendre, les Juifs vont tout de suite comprendre. Ah, le tabernacle parmi nous. Il a établi son tabernacle. Vous vous rappelez, Dans l'Ancien Testament, le tabernacle, c'était ce que Dieu avait instruit les Juifs. Et voilà, vous allez construire cela. Et là, c'est un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. La présence de Dieu dans le tabernacle était époustouflante. Et là, j'en dis, Jésus est venu. Et il a planté sa tente, son tabernacle. Jésus devient le nouveau tabernacle de Dieu. Et alors, pas étonnant, alors que le verset suivant, j'en dis, nous avons contemplé sa gloire. La gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité. Jésus a planté pendant 33 ans sa tente parmi les hommes. Impensable, et pourtant c'est vrai. Les gens ont vu. Et Jean leur a demandé, est-ce que tu as cru? Beaucoup ont vu, mais n'ont pas cru. À Thomas, Jésus dit, tu as vu, et là tu as cru. Bienheureux, bénis sont ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Là c'est qui ça? Là c'est vous, c'est moi. On n'a pas vu, mais on a cru. La gloire du Fils unique envoyé par le Père. Une petite parenthèse ici, et j'arrive à la fin pour aujourd'hui. Jean va utiliser, il a utilisé à maintes reprises cette expression « Fils unique envoyé par le Père ». Évidemment, ce n'est pas le Fils de Dieu au sens de procréation. En effet, tout ce qui a été créé, et Jean le rappelle, tout ce qui existe a été créé par la parole de Dieu qui est Jésus. Il est lui-même Jésus, Dieu éternel. Évidemment, Dieu n'a pas eu de relation sexuelle avec Marie pour avoir le bébé, Jésus. Fils est donné au sens comme le Père. Jésus est exactement comme le Père, à tout niveau, avec les mêmes attributs que le Père. Et les Juifs, comme on l'a vu, avaient très très bien compris ce que Jésus avait dit. Ce que Jésus voulait dire par « Je suis le Fils de Dieu ». Et je vais vous relire ça, 5, 17, 18. 5, verset 17. « Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même l'égal à Dieu. Jésus dit, je suis le Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Je suis l'égal, identique à Dieu. Et les Juifs l'ont compris. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Les versets qui suivent, jusqu'au verset 18, c'est la fin du prologue, où Jean introduit la notion de grâce. Il compare ce que Moïse a apporté par rapport à ce que Jésus a apporté. Et puis, verset 19, on parle des Juifs. Très souvent, ce sont les Juifs opposés à Jésus. Verset 21, on parle d'un prophète. Je fais une petite remarque. Il s'agit du prophète dont parle Moïse dans Deutéronome 18:18. Je leur susciterai un jour un prophète. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Donc les gens disent à Jean-Baptiste, mais est-ce que tu es le prophète dont Moïse parle? J'en dis non. Je suis celui qui appelle les gens à la repentance pour préparer le chemin de Jésus. Verset 29, et je saute rapidement, il y a ici cette fameuse interjection de Jean le baptiseur. Quand il voit Jésus arriver, il dit, voici le mouton, l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde, pas juste des Juifs, mais du monde entier. C'était évidemment celui qu'on attendait, celui qui sera immolé, dont le sang permettra de trouver l'apaisement dans notre relation avec Dieu. Une solution définitive au péché de l'humanité. Versets 35 à 42, il y a plusieurs fois aussi des expressions ici intéressantes, remarquez-le dans vos Bibles, où les termes sont traduits, rabbi, traduit en maître, messie, qui est un terme hébreu, traduit en Christ, qui est un terme grec, ce qui veut dire loin, celui qui est loin de Dieu, s'efface, qui est traduit. Donc on se rend compte que Jean prend du temps pour s'assurer que ses lecteurs comprennent bien. Et puis je vais un peu plus loin pour finir avec une remarque sur le verset 51. qui est donc le dernier verset de ce chapitre 1. Et il ajouta, en vérité, je vous le dis. Chaque fois que Jésus dira ça, c'est une déclaration solennelle, une déclaration importante qu'il veut souligner. Et là, Jésus fait une remarque intéressante, il dit, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre le ciel et la terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Je ne peux pas m'arrêter sans faire une remarque sur ce passage magnifique. Évidemment, il fait référence ici à l'histoire de Jacob. Vous vous rappelez Jacob qui s'est endormi quelque part sur une pierre. Il a eu ce rêve, il a vu une échelle entre eux, la terre et le ciel et les anges qui montaient, qui descendaient. Il a eu peur et il a dit « Ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » C'est beau comme expression, la porte des cieux. Donc il a dressé un autel, il a appelé cet endroit Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Alors Jésus dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges descendre partout où moi je passerai. Jean 14, 6, nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Jésus dit, là où je marcherai, partout où je passerai, je serai un accès bien meilleur que cette échelle de Jacob. Je m'arrête ici avec trois questions. Qu'est-ce que tu crois ? Est-ce que tu crois en Jésus ? Est-ce que tu crois que Jésus est le Logos de Dieu, la parole par laquelle tout ce qui existe est venu à l'existence ? Est-ce que tu crois qu'il est le seul chemin vers Dieu le Père ? Est-ce que tu crois qu'il est l'agneau de Dieu, la seule et unique solution proposée par Dieu lui-même pour régler une fois pour toutes la question du péché ? Est-ce que tu crois que par Jésus, tu peux être en paix avec Dieu ? Tu peux naître de nouveau, naître d'en haut, par la grâce de Dieu à une vie nouvelle ? Est-ce que tu crois ça ? Deuxième question, si tu le crois, en quoi ta vie a changé ? Le maître de l'univers, le maître des galaxies, les amas de galaxies, a pris un corps d'homme. Et il a planté sa tente parmi nous les hommes. Impensable, inimaginable. Et pourtant c'est vrai. Et il t'a appelé à le suivre. Et tu as entendu sa voix. Tu es sorti de ta tombe. Et maintenant, tu vis comment ? Est-ce que tu aimes sa parole ? Est-ce que tu as remarqué en lisant Jean toutes les promesses dans Jean à l'appel ? Une en passant, que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, 1. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais, dit Jésus, vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Créateur de l'univers qui te dit ça ? Toi, la petite fourmi, moi, la petite fourmi, je vais te préparer une place. Puis, je reviendrai te prendre. Est-ce que tu vis chaque jour ta vie dans l'attente de ce grand jour ? Relis l'évangile de Jean et souligne toutes les promesses de Jésus. Souligne aussi tous les commandements de Jésus. Et puis, dernière chose, dernière question, est-ce que tu es un témoin ? Est-ce que tu te rends compte que celui qui s'est présenté toute sa vie comme l'envoyé de Dieu t'a appelé à le suivre et il t'a aussi envoyé afin que toi, tu sois un témoin de la vérité ? Jean 20, 21 dit, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » On va prier. Seigneur, j'ai été vraiment émerveillé par cet évangile que tu as permis à Jean d'écrire. Merci de nous avoir donné ta parole. Merci que tu es la parole, la force créatrice, celui qui est à l'origine du monde entier. Et merci par-dessus tout que tu as osé venir parmi nous planter ta tente. On a pu voir Dieu marcher parmi les hommes. Seigneur, je suis impatient de pouvoir traverser cet évangile de Jean à nouveau et te redécouvrir. Toi, l'envoyé de Dieu. Donne-nous tous un cœur qui à nouveau t'accepte, te reçoit, te croit, qui croit tes paroles et qui décide délibérément de te suivre chaque instant de nos vies. Aide-nous à être des témoins de ce que nous avons vu dans ta parole et entendu à ton sujet. Que des gens, que des vies soient transformées autour de nous par la puissance de ta parole. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.